Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. La phrase clé de la leçon 29 est... 近くで見ると大きいですね. Lorsqu'on le regarde de près, il est grand, n'est-ce pas? Le personnage principal de notre sketch est Anna, une étudiante internationale originaire de Thaïlande. Anna visite Shizuoka, ville natale de Sakura. Aujourd'hui, le cousin de Sakura, Kenta, lui fait voir un superbe panorama du mont Fuji. Le mont Fuji est la plus haute montagne du Japon et il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Écoutons le sketch de la leçon 29. La phrase clé est... 近くで見ると大きいですね. Lorsqu'on le regarde de près, il est grand, n'est-ce pas? Fuji-san-da. 近くで見ると大きいですね. あれ? 雲の形が帽子みたいです. あの雲が見えると... Laissez-moi vous expliquer le sketch. Anna a dit Fuji-san da. C'est le mont Fuji. Fuji-san signifie mont Fuji. Da est une forme familière de des, une expression polie pour conclure une phrase. Le mot san dans Fuji-san est-il le même que le san utilisé comme terme honorifique et qui accompagne les noms des gens? Non. Pas dans ce cas, même si la prononciation est la même. Montagne se dit Yama. Mais ce mot se prononce aussi Sam lorsqu'il est attaché au nom de certaines montagnes. 近くで見ると大きいですね. Lorsqu'on le regarde de près, il est grand, n'est-ce pas? C'est notre phrase clé aujourd'hui. Dans cette phrase, le sujet, Fuji-san, mont Fuji, est Tommy. 近く signifie proche. De est une particule qui indique un endroit. Miru est la forme du dictionnaire de mimasu, regarder. To est une particule qui indique une condition. On l'utilise lorsque quelque chose résulte d'un événement, d'une action. Il indique la relation de cause à effet. Ainsi, 近くで見ると signifie quand ou si on le regarde de près. Il faut cependant faire attention. On utilise la forme du dictionnaire ou la forme « nai » devant « to ». Si la particule « to » est placée après le verbe, elle indique une condition, n'est-ce pas? Oui. « Oki » signifie « grand ». Petit, c'est « chisai ». « Des » est une expression polie placée à la fin d'une phrase. « Ne » est une particule qu'on ajoute à la fin d'une phrase. On l'utilise lorsqu'on cherche à obtenir l'accord de la personne qui écoute. Exerçons-nous maintenant à dire en japonais « Lorsqu'on le regarde de près, il est grand, n'est-ce pas ?» ?近くで見ると大きいですね. Anna remarque quelque chose. あれ?雲の形が帽子みたいです. Regarde, la forme de ce nuage ressemble à un chapeau. あれ? Est une exclamation que l'on utilise lorsqu'on se rend compte de quelque chose. Kumo, c'est nuage. No est une particule qui lie les substantifs. Katachi signifie forme. Na est une particule qui indique le sujet. Dans ce cas-ci, kumo no katachi, la forme de ce nuage, est le sujet. Boshi signifie chapeau ou casquette. Mitai signifie ressembler à. Des est une expression polie placée à la fin d'une phrase. Un nuage qui ressemble à un chapeau? Un nuage suspendu au-dessus d'un pic isolé, tel un chapeau, est appelé Kasagumo. On dit qu'il est annonciateur de pluie. Kenta explique à Anna. あの雲が見えると雨が降るんだよ. Si l'on voit ce nuage, il va pleuvoir, je peux te le dire. あの. Ce, cette, est un démonstratif qui indique une chose au loin. Kumo signifie nuage. Ga est la particule qui indique un sujet. Mieru est la forme du dictionnaire de Miemasu. Voir, peut être vu, visible. To est une particule qui indique une condition. C'est le mot to que l'on vient d'apprendre. Il indique une condition. Adrien, quelle est la différence entre mimasu et miemasu? Mimasu signifie que l'on regarde quelque chose avec une intention, un but. Miemasu signifie qu'une chose est visible ou qu'on la voit par hasard sans en avoir eu l'intention. Donc, le mont Fuji est visible, se dit Fujisan ga miemasu. C'est bien ça? C'est juste. Revenons au sketch. Ame signifie pluie. Ga est une particule qui indique un sujet. Furundayo signifie il va pleuvoir, je peux te le dire. Pleuvoir se dit furimasu. Sa forme du dictionnaire est furu. Dans ce cas, furu est combiné à nda, une expression utilisée pour expliquer ce qui va arriver ou pourquoi. Nda. Dans la leçon 27, vous avez appris à employer ndes lorsque vous expliquez quelque chose. La forme familière de ndes est nda. Yo est une particule que l'on utilise à la fin d'une phrase lorsqu'on explique à la personne qui écoute quelque chose qu'il ou qu'elle ne connaît pas. Donc, ame ga furundayo signifie il va pleuvoir, je peux te le dire. Écoutons à nouveau la leçon 29. Notre phrase clé aujourd'hui est chikaku de miru to ookii desu ne. Lorsqu'on le regarde de près, il est grand, n'est-ce pas? Fujisan da. Chikaku de miru to ookii desu ne. Are? Kumo no katachi ga boushi mitai desu. Ano kumo ga mieru to ame ga furu nda yo. Nous arrivons à notre rubrique « Enseignez-nous, professeur ». La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Nous avons appris aujourd'hui « nda », une expression utilisée pour expliquer quelque chose. J'aimerais savoir de façon plus précise comment l'utiliser. Demandons à notre professeur. La forme de base de « nda » est « noda ». On dit noda à la fin d'une phrase lorsque l'on veut expliquer ce qui va arriver, pourquoi ou dans quelle situation. Lors de conversations informelles, on emploie nda. Pour être poli, on dit ndes. On ne peut pas utiliser la forme en masse des verbes devant noda. Il faut employer la forme simple, comme la forme du dictionnaire ou la forme en ta. Ainsi, que faut-il dire pour expliquer qu'il va pleuvoir lorsque l'on voit ce genre de nuages? Il va pleuvoir se dit ame ga furimasu. On met furimasu, pleuvoir, à sa forme du dictionnaire furu et on ajoute nda. Donc on dit ame ga furunda. Pour être poli, on dit ame ga furundesu. C'était notre rubrique Enseignez-nous, professeur. Passons à notre rubrique « Mots descriptifs des sons ». Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. Il pleut. En japonais, on le décrit de la façon suivante. Zaza. On dit « za, za » lorsqu'il pleut fort. Lorsque la pluie est douce, on dit « shito, shito ». Dans notre rubrique « Mots descriptifs des sons », aujourd'hui, nous vous avons parlé de « zaza » et de « shito shito ». Avant de conclure, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est notre rubrique « Les tweets d'Anna ». Le mont Fuji, même avec des nuages qui le surplombent, est magnifique. Kenta arrive à prévoir le temps qu'il fera en regardant la forme d'un nuage. Il connaît beaucoup de choses. On peut se fier à lui. La leçon 29 vous a plu? La phrase clé aujourd'hui était chikaku de miru to ookii desu ne. Lorsqu'on le regarde de près, il est grand, n'est-ce pas? La prochaine fois, Anna prendra des photos du mont Fuji. Ne manquez pas notre prochaine leçon.